la fille derrière le comptoir. Elle a les yeux noirs que font briller quand même les verres d'alcool qu'elle aime, dont je raffole. La fille derrière le comptoir, elle a plus d'espoir, elle a plus envie de se tailler les veines. Je n'en vaux peut-être pas la peine. La fille derrière le comptoir veut plus faire le trottoir, elle a eu trop de peine, trop d'héros dans mes gènes, trop d'héros dans mes veines. La fille derrière le comptoir a peut-être aussi des idées noires. Je ne vaux sûrement pas la peine qu'un jour on me dise je t'aime. La fille derrière le comptoir verrait plus ses yeux noirs. Elle a laissé un soir tenu dans mon cafard. La fille derrière le comptoir verrait plus ses yeux noirs. Je n'ai pas les idées noires, je suis mort comme un connard. La fille derrière le comptoir verrait plus ses yeux noirs. Elle a laissé un soir tenu dans mon cafard. Je ne l'ai pas, la ville est noire, je suis mort comme un connard. La fille derrière le comptoir voudrait être une star. Elle a plus envie d'écouter mes peines. Elle se prend pour une triche, ma reine. La fille derrière le comptoir veut bouffer du caviar. Elle est devenue une reine, princesse des HLM, duchesse des bohémiennes. La fille derrière le comptoir en a plein toutes mes idées noires. Elle ne vaut sûrement pas la peine qu'un jour je lui dise je t'aime. La fille derrière le comptoir, je verrai plus ses yeux noirs. Elle m'a laissé un soir tout nu dans mon cafard. La fille derrière le comptoir, je verrai plus ses yeux noirs. Je n'ai pas à dire les noirs, je suis mort comme un connard. La fille derrière le comptoir, je verrai plus ses yeux noirs. Elle m'a laissé un soir collé dans mon cafard. La fille derrière le comptoir, je verrai plus ses yeux noirs. Je n'ai pas à dire les noirs. Je suis mort comme un connard, comme un con, comme un con, comme un connard, comme un con, comme un con, comme un connard, comme un con, comme un con, comme un connard, non, non, comme un con, comme un con, comme un connard, oh, comme un con, comme un con, comme un connard, non, non, non, comme un con, comme un con, comme un connard, comme un con. Comme un con, comme un connard, ah, comme un con, comme un con, hey, comme un connard. Na, na, na, na.